Ouais. 9-4-7-100, maison Alfort, c'est le sang, maison Alfort, Le combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Le vrai combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Le combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Le vrai combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Se faire surprendre par l'ennemi peut nous coûter cher. Évitons les conflits qui peuvent nous distraire. Restons sur nos gardes vu que la vie est faite de bonheur éphémère. Le savoir est une arme, autant plus en mode terre. Sur le terrain, c'est l'enfer, protéger un dur sont les affaires. Avec autant de morts, il en faut des bouquets misères. Ce monde salutaire était pour le fabrique, mes frères. C'est pour ça que les tombes fleurissent au cimetière. Fiers des guerrières, matière première. La devise ne jamais faire machine arrière. Le combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Le vrai combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes escrutes dans l'horizon. Surmontons les épreuves du monde où nous vivons. Le vrai combat c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Moi je fume tellement que je mets le paquet avant d'être complètement naze. Ou avant de grimper dans le même wagon qu'un fils de pute de kamikaze. Refusant l'idée que Dieu puisse ordonner des morts en masse. Aucun doute sur sa grandeur, je le prie et me fout de son blase. Regarde comment ça se complique quand on cherche à le connaître. Et vu que je peux rien y faire, j'allume un stick et je me déconnecte. Comme sa grande chamane parce qu'il est dur de rester honnête. La vie arrête dans Babylone, système je la connais. Bien grandi à Panama, mais qu'on part pour pas tomber. Il y a dans la savane comme le lion à dompter. Quand la vie vient gêne, comment faire preuve de bonté. Le vrai combat voit nos douleurs s'estomper. Le combat c'est toi qui le lis. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Le vrai combat c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Mon combat, mon combat, ma vision. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Mon combat, mon combat, ma vision. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Y'a pas de proche à l'approche, y'a que ma poche. Troué, c'est le coma, l'estomac noué. J'fais le nomade, pas bête, pas voué à être amadoué. J'fais le gros magadoué. Tout le temps lisse fils, foutant le boucan. J'fisse glisse en boucanant, tapé en brouillant. Brouillant, provisoirement, dérouillant, grouillant. Dans trop d'histoires déroutantes. J'ai été chopé, opé, escroqué. Que j'ai clopé, choqué, je le suis depuis. Putain de colboc, j'ai écopé de ces éclopés de Robocop. Colboc, fils de chien, avec tes fils de chien. À tes fils d'anciens, y'a pas de crise qui me tient, mais mon chien. Déterminé, vénère, éminé, gars stressé, pressé d'agresser, éminé. Comme engagé, en enragé, engagé. C'est maintenant, maintenant âgé. Vu ce que je vis, ça se combine nul. Je me dis ça continue, ça va rayer. Esprit et moi, enragé. Le combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Le vrai combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Le combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les épreuves du monde de nos vivants. Le vrai combat, c'est toi qui le lis. Surmontons les étapes que dans l'horizon. Avant, ouais, habité, avant, mais fatigué, pas piqué, habité. Avant même d'arriver, j'arrive et habité. Genre où nous plantons, la tête à pétra. Genre où nous plantions. Avant, ouais, habité, avant, mais fatigué, pas piqué, habité. Avant même d'arriver, j'arrive et habité. Genre où nous plantons, la tête à pétra. Genre où nous plantions. Ouais. Dynamo style, l'homme dynamo style, comme dynamo style. Ouais, Burgundy et V.A.I. Article Medi. Sankayayaye. Sankayayaye. Le vrai combat, c'est toi qui le lis.